Il est 13h30, voici Histoire vivante qui vous emmène en Inde toute cette semaine. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, retour en Inde. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Inde sort d'un passé colonial. Le passé et la suite. Ce sont les contraintes géographiques de l'espace indien qui sont à l'origine très largement de la compréhension de son histoire. La question du pouvoir. La population vote encore beaucoup en fonction de leur caste et pour des élus de leur caste. Puis-je vous demander de vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Oui, Jean-Joseph Boileau, professeur d'économie, spécialiste de l'Inde, et je dis souvent globe-trotteur de l'Asie, Inde et Chine, depuis une quarantaine d'années. Il faut bien ça pour s'aventurer à écrire un ouvrage. Il appartient à une collection, donc « L'Inde pour les nuls ». On pourrait faire mieux au point de vue titre, mais en tout cas, sur le plan du contenu, franchement, on sent qu'il y a de la matière. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être, dans un premier temps, Jean-Joseph Boileau, nous dire un peu ce que ça a été que la proposition qui vous a été faite? Est-ce d'ailleurs une proposition qui vous a été faite ou êtes-vous venu vers l'éditeur pour leur proposer un ouvrage de synthèse? L'éditeur étant First Edition. Un ouvrage de synthèse, c'est environ 300 pages, une trois-centaine de pages très très complètes sur l'Inde, sur un plan tout à la fois symbolique, politique, économique. Ça va être des grands nombres, et des petits nombres d'ailleurs, odieux. Enfin voilà, on a une visite à la fois éclair, mais en même temps extrêmement précise. Alors, comment s'est fait cette naissance de votre ouvrage sur l'Inde, Jean-Joseph Boileau? Là, ce livre est né de ce que j'ai eu fait ma thèse sur l'Inde en 1990. Et j'ai été tout de suite happé par une vie dans la diplomatie économique qui m'a empêché d'écrire tout le bien que je pensais avoir écrit dans cette thèse. Et puis, de fil en aiguille, j'ai beaucoup travaillé sur des sujets qui étaient jamais autour du modèle indien, qui est le thème que j'aime, le modèle indien, avec cette idée qu'aucun modèle n'est comparable. Vous avez le modèle chinois, le modèle européen, etc. Et puis, j'ai conçu un plan pour cette collection dont le titre me gênait par rapport à un intellectuel, mais qui venait de ce qu'un ami secrétaire général des Nations Unies m'avait dit du bien, de tout le bien qu'il avait pensé de cet exercice qui consiste à expliquer de façon simple, mais en même temps rigoureuse, ce que l'on a soi-même expérimenté. Et donc, il s'agissait pour moi de mettre là une trentaine d'années de connaissances pluridisciplinaires, quand on me dit souvent économiste, mais je suis en réalité aussi géographe, historien, sociologue, ce qu'on appelle un professeur de sciences sociales, et donc mettre à la portée d'un public non indianiste cette découverte d'un monde que je trouve fascinant. Et deux ans après, parce qu'il a fallu, il y a eu un silence de deux ans, je leur avais proposé, vous voyez, pendant deux ans je n'ai pas eu de réponse, et puis probablement suite au succès important d'un livre écrit chez Odile Jacob qui s'appelle Chine d'Afrique, et puis notre succès juste après qui s'appelle L'innovation jougade, vous voyez, on est toujours autour de l'Inde là, eh bien les éditions First m'ont rappelé en me disant, écoutez, ça nous intéresse, voilà, mais c'est mon plan qui n'était pas négociable, que j'ai imposé. Alors, vous avez prononcé le mot, le noyau central, Jean-Joseph Boileau, de modèle indien. On peut peut-être partir de cela pour commencer à faire de l'épluchage. Quand ça se présente, comment ça se nomme, comment s'interprète le modèle indien, en sachant qu'il y aura un mot permanent, je dirais même un mot et un adjectif qualificatif. Le mot, c'est le millefeuille, et disons, l'adjectif qualificatif paradoxal. Est-ce que ce modèle indien est un millefeuille paradoxal en soi? Et si oui, peut-on peut-être commencer à faire quelques couches? Millefeuille, c'est une vision verticale, et donc il y a une verticalité en Inde. Vous avez vu que je marie souvent ce mot avec un concept qui est plus horizontal, qui est le mandala, c'est-à-dire l'espace. L'Inde, de ce point de vue-là, donc, constitue un monde qui est en relief avec un espace vertical et un espace horizontal. Millefeuille parce que il y a dans la société indienne cette strate de 6 à 7 000, ce que les gens appellent des castes, qui en réalité sont des communautés, des jatis, et au-delà des jatis, puisqu'il y a aussi l'aspect religieux qui l'emporte, et que c'est hiérarchisé. Voilà, c'est un fait. Et les Français sont toujours très gênés par cette vision des choses, car ils sont choqués par la hiérarchie, et l'Inde est par définition l'univers de la hiérarchie. Mais en même temps, il y a cette dimension horizontale, qui est ce que j'appelle donc le mandala, c'est-à-dire l'Inde, c'est un espace, ne serait-ce que géographique. Et j'ai commencé ce livre par la géographie, c'était le plus difficile à faire accepter par l'auteur, enfin l'éditeur, qui préfère toujours commencer par l'histoire. Et je dis que l'histoire de l'Inde s'écrit d'abord dans son espace. À la fois l'espace et le repère hiérarchique, le millefeuille, ne sont pas de l'ordre de l'analytique. Et c'est pour ça que vous retrouvez le mot paradoxal, c'est parce qu'en permanence, on peut tout dire et son contraire de la façon dont il s'organise à la fois l'espace et le millefeuille. Quels arguments avez-vous avancés pour commencer et faire admettre que ça commencerait par la géographie ? Il vous a fallu pousser peut-être un peu loin le bouchon vis-à-vis de l'éditeur. Comment s'est-il laissé convaincre ? Pas l'éditeur français, mais l'éditeur américain. L'éditeur américain, ah, intéressant. Et oui, parce que le groupe de presse est un groupe de presse en fait espagnol. Editis, qui est un très grand groupe de presse, et je voulais écrire un livre qui soit d'emblée pour des lecteurs aux quatre coins de la planète. Et donc, il n'y a pas énormément d'éditeurs qui ont aujourd'hui cette capacité-là. Deuxièmement, du côté français, on a quand même une histoire de la géographie dans l'analyse des grands peuples qui est acquise. Donc la géographie en France, j'aurais pu gagner là-dessus. Par contre, du côté américain, de façon aussi surprenante que ça paraisse, pour eux, tout doit commencer par une fresque historique. Alors c'est peut-être lié à l'histoire américaine qui effectivement d'une certaine façon a été la conquête du Far West, du Nouveau Monde, et donc c'est moins l'espace qui a compté que les étapes dans la conquête de cet espace. Et si vous voyez comment sont écrits les livres sur les États-Unis, enfin, pour les Américains eux-mêmes, c'est très clairement cette histoire d'une conquête. Là, ce que j'ai essayé de montrer, parce que j'en suis convaincu, c'est que ce sont les contraintes géographiques de l'espace indien qui sont à l'origine très largement de la compréhension de son histoire. Alors, c'est assez simple parce que j'ai retrouvé dans cette démarche tout simplement ce qu'a écrit le roi Beaulieu, par exemple, pour l'Empire des Tsars. On ne peut pas comprendre la Russie si on essaye d'écrire une histoire indépendamment de son espace. Pourquoi, dans le cas de l'Inde, c'est quelque chose d'essentiel ? Alors, pour les convaincre, j'ai tout simplement pris une carte de la géographie physique de l'Inde et je leur ai montré comment ces montagnes, ces fleuves, ces vallées, etc., avaient été autant d'espaces naturels, de frontières naturelles, dans lesquelles s'était inscrite l'histoire de l'Inde. Et je dois reconnaître qu'ils ont été gentils comme tout et qu'ils ont effectivement accepté cela. Par exemple, un merveilleux exemple, c'est l'histoire des fleuves. Les fleuves indiens, qui sont au cœur de la mythologie hindoue d'aujourd'hui, ce n'est pas la mythologie hindoue qui a créé ces fleuves, c'est les fleuves qui ont été préexistants à cette mythologie hindoue. Par exemple, la Sarasvati, le Gange, etc. C'est la quatrième année consécutive que je viens à Calcutta. En temps ordinaire, je reste 6 semaines. C'est mes vacances que je passe ici. J'étais vraiment... Je peux vous dire, ça dépasse les mots. Je ne peux pas vous dire. Vraiment, j'ai trouvé la crasse, la misère sous toutes ses formes. Hein. Et puis, je me suis dit, mais enfin, comment est-ce possible? Comment est-ce possible que ça puisse exister? Et surtout, comment est-ce possible qu'on puisse l'ignorer? Calcutta, c'est une ville la plus sale du monde. C'est toute la misère du monde qui se trouve ici même. Quelqu'un qui vient en Inde, qui s'arrête à Delhi et qui fait d'autres villes sans passer par Calcutta n'a rien vu de l'Inde. Calcutta, le jour où l'on a su que Mère Teresa allait recevoir le prix Nobel de la paix. Le gouvernement est venu l'annoncer à Mère Teresa. Puis après, on a eu le défilé de journalistes. Tous les gens sont venus, les pauvres, les preux, les petites gens, comme les gens très importants, sont venus avec des bouquets de fleurs de leur jardin ou des grandes gerbes achetées dans les magasins, suivant leurs moyens. Et c'est vraiment très touchant. Le gouverneur est venu et le premier ministre de l'État aussi, qui est le Parti communiste, qui est à la tête du Parti communiste, est venu. Et une des choses remarquables qu'il a dit à Mère Teresa, au moins entre politiciens, on n'est pas toujours d'accord. Mais s'il y a un point sur lequel on est d'accord, c'est sur vous. Loin d'ici, de nos petits soucis et de nos grandes querelles, loin de nos fêtes et de nos guirlandes, loin de notre entendement, très loin de tout ce que l'on peut imaginer, à des distances inconcevables, à des milliers de kilomètres d'indifférence, à Calcutta, plus loin encore, en enfer, chez ceux qui n'ont rien, ni boîte aux lettres, ni carte d'identité, rien que leur faim et leur souffrance, et une sainte femme pour leur sourire avant de fermer les yeux. Pauvre parmi les pauvres. Suite de l'entretien avec Jean-Joseph Boileau, auteur de L'Inde pour les nuls, paru aux éditions First. Jean-Joseph Boileau est agrégé de sciences économiques et sociales et docteur en économie. Dans le cas de l'Inde, je débarque en 81 d'une façon pas vraiment volontaire. C'est mon épouse, ma charmante épouse, qui, pour fêter succès à l'agrégation de sciences sociales, prend des billets pour aller en Inde et nous partons sans, moi je dois reconnaître, rien avoir préparé. Nous faisons l'Inde du Sud. Donc de Bombay, Hyderabad, Chennai, Kanyakumari, etc. Et nous passons 2 mois. L'avantage des professeurs français, c'est qu'ils ont 2 mois d'été, des vacances qui leur permettent de changer complètement de monde. Et je suis là saisi par une chose, c'est que cette lecture humaniste, ou plus exactement misérabiliste, excusez-moi, de l'Inde que j'avais en tête, ne tient plus du tout par rapport à ce que nous voyons. Bien sûr qu'il y a à Chennai encore la lèpre qui est visible sur les grands boulevards, bien sûr qu'il y a Cap Comorin, donc la pointe extrême de l'Inde qui donne sur le Sri Lanka des villages de pêcheurs chrétiens, parce qu'en réalité qui étaient intouchables dans le système hindou, une misère qui est importante. Mais à aucun moment, pendant ces 2 mois, nous avons ressenti ce qui était les images, que on le veuille ou non, dominent sur l'Inde, c'est ces images de Sœur Teresa à Calcutta, avec des lits de gens miséreux, etc. Nous avons vécu un rapport à l'Inde qui était celui d'une capacité de révolte, de rébellion, de fierté, d'énergie, parce que ça bruisait dès 6 heures du matin jusqu'au soir. Et donc c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Et puis, à partir de là, j'ai voulu tester un peu plus. Et la chance a été que je soumette un sujet de recherche à un institut qui s'appelle le CEPI, qui travaille sur les questions internationales, et qu'ils m'ont dit « Bon, l'Inde ne nous intéresse pas beaucoup, vous voyez, nous étions en 81, mais si vous trouvez un organisme indien qui veut bien vous accepter, avec plaisir. » Et donc, j'ai trouvé un partenaire en Inde, dans le nord de l'Inde, et nous avons fait un deuxième long voyage, je suis resté 6 mois, dans le nord de l'Inde, et là, j'ai senti qu'il y avait un autre monde. le monde de ce qu'on appelle la Hindi Belt, hein, la ceinture du Hindi, du Nord, qui a été marquée par ces affrontements qu'il y a eu entre... alors les gens disent les musulmans, c'est détestable cette expression, hein, par ces invasions qui viennent d'Asie centrale et du monde arabo. Et de l'autre côté, ce qui était le cœur du premier empire indien, ce qu'on appelle l'empire Maurya, qui était basé à Patna. Donc c'est ça le nord de l'Inde, hein, c'est cet affrontement permanent que l'on revoit en 2014 au moment des élections nationales avec Modi, le leader du parti nationaliste hindou, qui exprime ce sentiment anti-envahisseur dits musulmans qui, depuis donc quasiment 2000 ans, marquent l'Inde. Et donc ça, c'est la découverte du Nord, une autre Inde, quasiment un autre pays, et en même temps un pays tout autant éloigné de cette image d'une Inde dans la misère, dont la mousson serait une catastrophe. C'est comme moi peut-être que la mousson est l'élément central positif, au contraire, de la richesse agricole de l'Inde et qui en a fait, pour sa partie de la plaine indo-gangétique, le grenier du monde pendant plus de 1000 ans. Voilà, et à partir de là, j'ai trouvé qu'il y avait suffisamment de concordance dans la dissonance entre l'image de l'Inde de chez nous, en Europe, je vais dire, et puis ce que je ressentais sur le terrain, que j'ai décidé d'en faire un peu plus un sujet de recherche. Et puis d'année en année, parce qu'on n'a jamais fini de découvrir l'Inde, c'est un immense continent, 1 milliard et quelques d'habitants, c'est un continent humain d'une diversité inouïe, d'en faire le lieu à partir duquel j'essaye de comprendre le monde contemporain. Vous voyez, j'ai retourné la perspective. L'Inde m'intéresse comme un lieu qui est pour moi plus objectif que de travailler à partir de l'Europe, pour travailler sur l'Europe, pour travailler sur l'Afrique, pour travailler sur la Chine, pour travailler sur les États-Unis. Et de là est né ensuite ce concept, la Chine d'Afrique, c'est-à-dire cet ensemble des trois géants qui vont marquer, à mon sens, les 30 prochaines années. L'acronyme BRIC a été inventé en 2001 par l'économiste en chef de Goldman Sachs, Jim O'Neill, pour désigner les économies émergentes du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine. Le terme est rapidement devenu l'abréviation utilisée pour désigner ces pays à l'économie émergente. À ce moment-là, les pays émergents voulaient davantage peser sur la gouvernance économique mondiale et ils ont noué un partenariat. En 2009, le premier sommet des BRIC a eu lieu en Russie, en réponse à la crise financière. L'Afrique du Sud a rejoint le groupe des BRIC en 2010, et celui-ci est maintenant connu sous le nom de BRICS. C'est davantage un partenariat économique qu'une alliance politique. Au total, ces 5 pays regroupent près de 40% de la population mondiale. Les BRICS créent désormais des institutions pour aider les pays émergents. Ils ont créé leur propre banque, la Nouvelle Banque de Développement, basée à Shanghai, la capitale économique de la Chine. Elle est dotée d'un capital de 100 milliards de dollars et a pour vocation de financer les grands travaux d'infrastructure et les projets de développement des pays qui en font la demande. Un projet de fonds de réserve monétaire d'urgence, doté de 100 milliards de dollars, a aussi été approuvé par les 5 pays. Ces deux institutions contribuent à offrir une alternative aux institutions financières mondiales que sont le FMI et la Banque mondiale. Jean-Joseph Boileau, vous êtes un spécialiste de l'Inde depuis plusieurs dizaines d'années et vous nous disiez dans la partie précédente de l'entretien avoir été peut-être surpris de la réponse que vous avez fait à un organisme, le CEPI pour ne pas le nommer. Au début des années 80, vous dites « Oh, l'Inde, oui, bon, bah, pourquoi pas ?» Alors que vous me disiez vous-même, hors micro, que dans les années 50, l'Inde était l'objet de bien des attraits. J'en veux pour preuve notamment l'article que je vous ai indiqué et demandé de lire, et je vous remercie de l'avoir fait, une description d'une Inde économique en 1946, description que signe donc Henri Hartung, indiquant que l'Inde sera toujours un pays agricole. Alors, il est toujours un peu dangereux d'écrire toujours, mais après tout, Henri Hartung a pris le risque. Est-ce que cette description, évidemment par trop réduite en quelques mots, comporte néanmoins, Jean-Joseph Boileau, une profonde réalité? Ah oui, il y a dans cet article scientifique, donc qui fait une dizaine de pages, douzaine de pages, une description méthodique de la situation de l'agriculture indienne. Et à l'époque, effectivement, l'Inde était considérée comme une puissance émergente. Le mot aujourd'hui donne l'impression d'avoir affaire à une réalité tout à fait nouvelle. Mais quand vous lisez cet article de 1946, que vous voyez que à la page 198 de cette revue, on vous fait une description d'une société qui s'appelle Tata Iron and Steel Company, présidée par le président G.R.D. Tata. Et que vous lisez la description de cette société, de son implantation, de ses prouesses, vous vous dites, ceux qui parlent aujourd'hui du groupe Tata comme étant la preuve que l'Inde est en train de décoller manquent de recul dans le temps. Le groupe Tata était déjà effectivement une sorte de géant industriel dans cette région de Jamshedpur, aujourd'hui dans l'Orissa, ou Jharkhand plus exactement, mais à l'époque dans le Vest de Bengale. Tout ça pour dire que, comparé à 46, je viens de passer là un mois en Inde, et j'ai donc lu votre article à la lumière de ce que j'ai vu. Je perçois à quel point l'Inde d'aujourd'hui a accompli un chemin extraordinaire. L'Inde de 1946, c'est une Inde de 300 millions d'Indiens dont le problème principal, fondamentalement quand même, c'est se nourrir. Question agricole. Et secondairement, c'est une question d'industrialisation. Aujourd'hui, j'ai été stupéfait de voir les progrès agricoles de l'Inde. Aujourd'hui, donc, l'Inde, c'est 4 fois plus d'habitants, 1 milliard 200 millions d'Indiens. Et s'il y a des Indiens qui n'ont pas meurent de faim, car nous ne mourons plus de faim en Inde, mais qui mangent mal, et là, il y a une grosse malnutrition dans ce pays, notamment des enfants et des femmes, c'est pas à cause d'un problème de manque de production. L'Inde est un pays agricole extrêmement riche. Je dis bien dans ce dernier ouvrage là sur l'Inde que c'est un géant agricole. C'est le 3e géant agricole du monde. Et quand vous allez au Gujarat ou au Karnataka, comme je viens de le faire, sillonner les campagnes, vous voyez cette productivité, ces champs riches, etc. C'est un problème de répartition, le problème de la malnutrition. Ce n'est pas un problème de production. Et l'Inde d'aujourd'hui, par rapport à cette Inde décrite en 1946, c'est un gouffre, c'est un écart que très peu d'Occidentaux ont en tête lorsqu'ils continuent de ne montrer du doigt que ces problèmes de pauvreté, de misère dans des villages ou dans des villes. Pour revenir à la fois à la géographie et à la réalité physique, en écoutant une archive pour préparer cet entretien, Jean-Joseph Boileau, je suis tombé sur un entretien entre Indira Gandhi et Suzanne Sontag, donné, je pense, au début des années 80, en relevant cette phrase d'Indira Gandhi qui dit « Le problème majeur de l'Inde, c'est sa dimension ». Et c'est vrai qu'en vous lisant, on est frappé par la notion des millions. Les millions de personnes, les millions d'électeurs, les millions de partis, les millions de divinités, la notion du million, la notion de, à la fois du gigantesque et de la diversité, de la multiplicité, est au cœur de l'espoir de compréhension. C'est pour ça que, pas moins de cette vie, certainement, avant d'en faire le tour, et encore, pourquoi en faire le tour? Est-ce que... Exactement. On pourrait revenir peut-être à cette définition d'Indira Gandhi. Son originalité majeure est indéniablement sa dimension. Oui, alors en même temps, vous avez peut-être vu que dans le chapitre géographique, j'explique que l'Inde est très loin d'être le plus grand pays du monde. Et je me méfie un tout petit peu de cette façon de parler, même de la Chine, hein, d'une certaine façon, parce que la Chine chinoise elle-même est un petit pays. Hein, en termes de dimension, c'est la dimension de l'Europe. Mais ce qui frappe effectivement, c'est le dans les dimensions, c'est la dimension humaine. Et la différence entre la Chine et l'Inde, c'est la dimension humaine, non pas en termes de nombre, là encore, mais en termes de diversité. Et le problème d'Indira Gandhi, ça a été, je pense, de ne pas avoir compris que lorsqu'on faisait face à un pays d'une telle dimension, en termes de variété de population, on ne pouvait pas diriger ce pays à partir de Delhi. En réalité, ces brahmanes qui avaient pris les rênes du pouvoir en négociation avec les Britanniques, il faut quand même le dire, ont pendant très longtemps cru qu'ils pouvaient faire, je dirais, d'une certaine façon, du maoïsme à l'intérieur d'un cadre qui leur avait été imposé, qui était la démocratie. Et la démocratie ayant été elle-même conçue comme la seule solution politique à la diversité de l'Inde. Diversité en termes donc de régionalisme, en termes linguistiques, etc., etc. Ce n'est qu'à la disparition d'Indira Gandhi, ou j'exagère, peut-être à son retour au pouvoir en 1981, après l'échec de l'état d'urgence, donc d'une solution autoritaire pour faire rentrer toutes ces différences dans la même petite boîte, que l'Inde s'est développée sur un nouveau régime politique qui était celui de la décentralisation, de la reconnaissance de sa diversité. Et c'est là qu'il y a évidemment un lien étroit entre sa dimension, non pas physique, je répète, ce n'est pas sa dimension physique qui pose problème, mais sa dimension en termes de différence, de variété. À partir du moment où vous avez dans un état comme l'Uttar Pradesh, au nord, quand vous allez donc de Delhi jusqu'à Benares, là vous avez un petit état qu'on appelle l'Uttar Pradesh, et que cet état fait déjà plus de 200 millions d'habitants, qu'il va vers 400 millions d'habitants. On comprend bien que si on ne décentralise pas, si on ne laisse pas les peuples s'organiser à l'intérieur de ces espaces d'une façon conforme à leur langue, à leur religion, à leur tradition, eh bien, on ne peut conduire l'Inde que vers la catastrophe, ce qu'on appelle l'implosion. Et on a longtemps eu peur, à partir des années 80, que l'Inde, précisément, allait éclater. Non, il y a eu des efforts en permanence pour s'adapter aux réalités du monde indien, et à l'heure actuelle, ça conduit vers la régionalisation, et y compris sur le plan politique. Narendra Modi vient du Gujarat, et c'est au nom des succès du Gujarat qu'il essaye de convaincre le reste de l'Inde de suivre la voie hindoue qu'il propose, mais c'est précisément des révoltes contre cette prétention à diriger l'Inde à partir de Delhi qui conduit Nitish Kumar au Bihar à se rebeller contre lui, ou les États du Sud, ce qu'on appelle l'Inde dravidienne, qui ne veut surtout pas de cette domination d'un homme du Nord. C'est cette dimension qui me frappe. L'Inde va aller, je pense, vers une cinquantaine d'États, ce qui pour un pays donc d'un milliard cinq, un milliard 600 millions d'habitants, conduira à des unités de 30 à 40 millions d'habitants. Et on voit bien qu'à l'échelle européenne, vous en particulier en Suisse, vous en avez l'expérience, c'est déjà une dimension un peu grande. C'est devenir de l'Inde qui m'a beaucoup intéressé dans ce livre. Faire face à la dimension, ce n'est pas ça le problème en soi, c'est comment construire un espace politique qui permettent de vivre ensemble dans un espace qui est aussi diversifié sur le plan horizontal et vertical. Et ça, j'ai une confiance dans la démocratie indienne pour y arriver. Et de ce point de vue-là, pour les Européens, c'est extraordinairement intéressant, car nous avons bien sûr en Europe la même difficulté. Comment, avec ces 35-40 pays en réalité en Europe, allons-nous demain réussir à travailler un peu plus ensemble dans un monde qui va être difficile? Demain, la suite de cet entretien réalisé auprès de Jean-Joseph Boileau, diffusé en 2014 dans la perspective du prochain documentaire d'Histoire vivante « Maudit leader digital » à voir dimanche prochain sur RTS2 et dès aujourd'hui sur le site des documentaires de la RTS. La mise en onde est signée Christian Morero.